Vous avez devant vous une partie de la future équipe du planning familial de Perleval, donc en Corrèze. C'est Perleval parce que il fallait qu'on choisisse un département où, domicilié, mais de fait, on est plus, on habite et on agit sur l'ensemble du plateau de Mille Vaches. Donc, ce groupe est constitué depuis maintenant 2 ans. Il y a 2 ans, il y a l'association Boine qui avait organisé 2 jours de formation sur la contraception. Et suite à ça, des personnes qui se connaissaient ou qui se connaissaient moins se sont réunies pour réfléchir à, étant donné qu'on est dans un territoire très rural, que ce n'est pas toujours facile d'avoir accès et à de l'information et du conseil ou des lieux pour savoir, pour avoir un peu d'infos sur la contraception et la sexualité en général. Donc on s'est réunis autour de ce projet-là. On est une bonne dizaine de personnes, il y a des profils assez différents. Ce qui nous réunissait, je pense, c'était effectivement, on est tous un parcours autour des questions féministes. Certaines ont des pratiques dans des structures d'éducation populaire. Voilà, donc il y a, même si on n'était pas à dire, on n'a pas, aucune d'entre nous n'a la formation de conseillère conjugale et familiale, alors on ne venait pas non plus de nulle part, et puis on a décidé surtout de se former ensemble. Donc ce qu'on a fait depuis 2 ans, c'est qu'on a été, on s'est dit qu'il fallait qu'on sache bien qu'est-ce qui se passait sur notre territoire, sur les questions liées à la sexualité, contraception, avortement. Donc on a été rencontrés les centres IVG en Creuse, en Corrèze également. On a rencontré le réseau Mille Soins, qui est le réseau médical sur le plateau de Mille Vaches, qui regroupe à la fois des médecins, des infirmiers, des pharmaciens. Voir aussi d'autres associations qui bossent sur des questions qui sont proches des nôtres. Par exemple, Entraide-Sida Limousin. Rencontrer aussi des gens du planning familial qui s'est remonté à Limoges il y a quelques temps. Et aussi, on a commencé à chercher où est-ce qu'on allait s'installer. Donc, il n'y avait rien d'évident puisque nous, on était à la fois en Creuse et en Corrèze et qu'on avait envie d'agir sur ces deux territoires-là. Mais on a eu la proposition de la mairie de Perleval de nous accueillir puisqu'ils étaient à l'époque en train de changer, il y avait la maison de retraite qui était en train de changer de locaux, ils allaient accueillir un CADA, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans les locaux de l'ancienne maison de retraite, mais ils avaient aussi envie que dans l'espace qui restait, ils puissent accueillir des associations. Donc nous allons avoir un local, donc on fait partie des planning familiaux chanceux en France qui allons avoir un local qui a été tout refait à neuf et dont on pourra disposer à partir de la rentrée de septembre 2015. On a même choisi les peintures. On a même plus choisi les peintures. Donc ça nous a pris pas mal de temps. On a donc aussi commencé à se former ensemble. Donc soit en allant faire des stages dans d'autres planning familiaux ailleurs, soit en suivant des formations organisées par le planning familial, notamment d'Aquitaine. Et il y a également des gens du planning familial de Périgueux qui nous ont un peu accompagnés dans ce projet-là et qui ont passé notamment un week-end avec nous pour aider à la constitution du groupe. Et par ailleurs, donc nous on se voit une fois par mois pour faire avancer le projet, essayer d'avoir des discussions de fond aussi sur pas mal de sujets. Dans notre fonctionnement, on a choisi d'être une association sans bureau ni président, donc avec un fonctionnement horizontal. On se prépare aussi à des journées de travail pour avancer sur des trucs en particulier. On a aussi constitué des groupes de travail pour préparer un peu ce qui va se passer à partir de la rentrée prochaine. Donc là, voilà, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, mais concrètement, encore, il s'est rien passé de public, c'est notre première apparition publique et c'est à partir de l'automne 2015 qu'on est... On va j'espère qu'on ouvrira nos portes. Donc là, je voulais juste dire un petit mot sur le choix de rejoindre l'association du planning familial, donc qui est une association nationale. Le terme planning familial, c'est pas forcément comme ça qu'on se serait défini quand on commençait à se rencontrer. On était dans l'idée de trouver de créer en tout cas un espace où justement toutes ces questions qu'on vient d'évoquer puissent être partagées et surtout que ce soit ouvert au plus grand nombre, du coup sur le plateau de 1000 vaches. Et on sait aussi que tous ces questionnements-là, ils ont une histoire. Donc c'est une histoire du féminisme, mais pas uniquement, une histoire politique aussi. Et donc on s'est rattaché à des choses qui existaient déjà, donc il n'y a pas que le planning familial qui existe. Mais c'est vrai qu'on a fait cette décision-là, pas évidente, je pense que c'est pour ça que je rajoute un petit mot là-dessus, parce que c'est une structure qui est facilement rejoignable, identifiable par le plus grand nombre. On se disait, voilà, n'importe qui n'est pas forcément dans un milieu, un réseau déjà constitué, sait que, a priori, en tout cas, plus facilement peut-être que si c'était un nom qu'on aurait créé nous-mêmes, peut y trouver là des solutions pour avorter, pour parler, pour échanger sur des problèmes de sexualité, de vie, de couple. Et on voulait pas se centrer uniquement sur l'avortement ou sur un petit milieu. Bon, c'était important. Donc c'est pour ça aussi qu'on a rencontré les gens du planning familial pour voir dans quelle histoire on s'inscrivait. Donc ça a pris du temps aussi. Donc c'est une association qui date des années 60, qui s'est constituée dans toute une polémique assez vaste sur l'accès, l'éducation à la sexualité et l'accès justement aux possibilités de contraception, qui, comme on l'a déjà vu dans les films un peu hier et puis ce matin, qui ont été progressivement ouverts et rendus praticables par la lutte. Donc le planning familial, c'est une association de loi 1901. Donc, vous complétez ainsi. Donc nous, on s'est constitué avec les statuts qui correspondent aux valeurs, promues par le planning familial dans lesquelles on pouvait se retrouver, tout en sachant que il y a plein de choses sur lesquelles on sera autonome dans la manière dont on voudra les partager, échanger autour. Donc c'est le féminisme, c'est contre les violences faites aux femmes, mais aussi pour qu'il y ait une possibilité de réappropriation de tout ce qui nous émancipe, nous permet d'être libres, donc l'avortement, la contraception, la connaissance du corps, toutes ces choses-là qui sont essentielles. C'est pas réservé qu'aux femmes, mais c'est juste c'est souvent une porte. Que dire d'autre sur les valeurs? Oui, c'est l'égalité, l'idée de l'accès aux soins, l'anonymat aussi, si jamais il y a besoin. Donc il y a tout un ensemble de choses qu'on veut creuser et pousser plus loin, parce que le féminisme, c'est pas juste un terme ni une idée figée, c'est un mouvement. Du coup, il y a plein de manières de se réapproprier, de refaire histoire à partir de là. Une petite précision, on voulait préciser aussi la différence entre l'association planning familial, qui donc correspond à une histoire, je pense qu'on peut se réapproprier à partir de là, et les centres de planification donc qui peuvent être couplés, mais qui sont différents. Ce sont un centre de planification qui sont souvent liés à des hôpitaux. C'est là où souvent il y a des médecins, c'est pour pratiquer l'avortement, donc c'est des centres médicalisés. Donc ce qui ne veut pas dire que les associations de planning familial ne peuvent pas orienter vers des soins et vers des médecins. Donc surtout c'est ça qu'on essaye de mettre en place sur le plateau. Mais on est d'abord une association non professionnelle. Enfin, c'est pas en tant que professionnelle. C'est comme un espace de lieu de rencontre, d'accueil et d'orientation qui nous semble important d'ouvrir sur le plateau pour être réellement plus autonome. Du coup, moi, je vais vous dire un petit mot sur ce que c'est qu'un lieu d'accueil et d'écoute. Donc, comme vient de le dire Gabi, c'est différent d'un centre de planification. Donc, il peut y avoir des centres de planification qui font partie de l'association MFPF, Mouvement Français pour le Planning Familial. Donc il y a des centres de planification, il y a des médecins, et on peut, les jeunes filles, les femmes et les hommes peuvent y aller pour avoir des informations sur la contraception, et par ailleurs, voir un médecin qui va leur prescrire la pilule, faire un examen gynécologique. Donc pour nous, ce ne sera pas du tout le cas. Pour l'instant, il y a une personne qui est médecin dans l'équipe, mais qui différencie vraiment bien sa pratique de médecin et ce qu'elle viendra faire au planning familial, et elle n'aura pas du tout le même accompagnement. Donc nous, on aura un local, donc accueillir ces personnes, et l'idée c'est d'accueillir sur une première écoute. Donc des personnes viennent avec des questions, soit des questions très pratiques, techniques, la pilule, qu'est-ce que c'est, comment je la prends, l'avortement, quelle est la procédure, par quoi je passe, etc. Les règles, qu'est-ce que c'est, à quel moment ça arrive, et si j'ai pas mes règles, qu'est-ce qui se passe, et patati patata. Soit des questions ça peut être aussi des questions autour vraiment de la sexualité, si j'ai telle pratique sexuelle, est-ce que c'est normal ou pas normal, est-ce que j'ai le droit d'avoir telle pratique sexuelle, enfin toutes les questions globales autour de la sexualité. Nous, on ne se considère pas comme des spécialistes, c'est-à-dire qu'évidemment, en se formant, on va acquérir des connaissances sur ces questions-là. Après, notre démarche, c'est vraiment que la personne fasse ses propres choix et de l'amener à faire ses propres choix en lui amenant de l'information pour l'aider à faire ses choix. Et on n'est pas psychologue, donc parce qu'il peut y avoir des lieux d'accueil et d'écoute qui vont avoir une orientation psychanalytique. Donc chercher, alors là c'est très primaire ce que je vous dis, mais par exemple, pourquoi une grossesse si jeune, peut-être que ta maman a eu des enfants jeunes ou tard, et donc ça expliquerait que, voilà, enfin, là on n'est pas du tout dans ces démarches-là, plutôt que la personne essaye d'elle-même de faire ses choix. Nous, on a assuré une écoute non jugeante, et pour ce faire, en fait, on pratique, et ce qui est souvent pratiqué d'ailleurs dans les plannings familiaux MFF, dans l'association, c'est la co-écoute, c'est-à-dire qu'on accueille la personne à deux, et on va l'écouter à deux. Et donc ça va permettre déjà d'éviter une relation duelle qui peut y avoir avec une relation un peu de pouvoir ou hiérarchique qui pourrait y avoir. En tout cas, comme ça peut être le cas dans des entretiens médicaux où le médecin, c'est celui qui a le savoir. Et ensuite, la co-écoute, ça permet aussi d'être sûr de ne pas avoir loupé des informations. Parce que ce qui peut arriver, c'est qu'une personne vient pour une raison donnée, mais que derrière, il y a autre chose. Et que ça vient en prenant le temps d'écouter la personne. Et donc voilà, d'être à deux, ça permet de ne pas louper d'informations. Aussi parce qu'il y a des histoires qui peuvent nous rappeler notre propre histoire. Et donc on pourrait être amené à orienter la personne, même inconsciemment, à faire le choix que nous on a pu faire ou qu'on aurait fait à sa place. Et évidemment, ce n'est pas le but de ces entretiens-là, c'est que la personne fasse vraiment le choix qui lui appartient et que nous, on n'a pas à dire si c'est bien ou si c'est pas bien, mais plutôt à l'accompagner jusqu'au bout dans ce choix-là. Voilà. Donc des accueils individuels, mais ça peut être des accueils de couple, enfin, il peut y avoir couples qui viennent, pas forcément pour du conseil conjugal, mais on ne souhaite pas pour l'instant s'orienter vers ça, pour des questions de sexualité, ça peut être des accueils collectifs aussi. Et ensuite, on a quand même la volonté de faire à terme des interventions et donc de l'éducation, toutes ces questions-là, dans collège, lycée, école primaire, foyer de jeunes travailleurs, équipe sur la question de genre, par exemple, des équipes des travailleurs en crèche, des animateurs, Quand vous aviez la chance de découvrir en avant-première, en première tout court même, votre plaquette, la première version, vous avez peut-être déjà vu, mais on vous en donnera, là on en a quelques-unes. Concrètement, nous, tout ce qu'on vous présente là, c'est des choses qu'on va faire bénévolement pour l'instant. Donc pour l'instant, on n'a pas de sous, en fait. Et peut-être que ça évoluera, mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que ça se passe. Ce sera des permanences qui auront lieu, peut-être, ce ne sera pas des permanences tous les jours, ce sera des permanences peut-être une fois par semaine, ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas encore tout à fait défini, mais il y aura aussi des permanences téléphoniques, qui est quelque chose d'assez important, surtout vu le territoire sur lequel on se trouve, vu que les gens ne peuvent pas forcément se déplacer. Ça fera partie aussi des choses qu'on va faire. Et donc, cette petite plaquette, elle présente un peu plus succinctement tout ce qu'on vient de vous dire. Et il y a aussi la possibilité d'adhérer, vu qu'on est une association. Et c'est pour ça que je vous parlais des sous, parce que l'adhésion, ce sera aussi une occasion pour nous d'avoir un peu de sous. Donc, voilà. Il y a, pour nous contacter, pour l'instant, il y a une adresse internet, pf.plateau@millevaches.net. Elle est écrite là. Et ensuite, les bulletins d'adhésion, si vous voulez adhérer, vous le remplissez et vous le remettez à une des personnes que vous voyez ici, parce qu'il n'y a pas d'adresse postale. Mais ça va venir bientôt. Donc soit vous le remplissez aujourd'hui, puis c'est bon, c'est parti, vous êtes adhérent. Soit vous le donnez à une des personnes de Bobine Rebelle et qui nous fera passer. Soit on se revoit et voilà. Et puis sinon, après, la deuxième version de cette plaquette, qui va sortir bientôt, comportera une adresse postale aussi. Et un numéro de téléphone. Ce qu'on peut rajouter, c'est que c'est évidemment possible de nous rejoindre. Nous, on n'est pas... On est en cours de formation et on continuera à se former, même à partir du moment où on aura ouvert nos locaux. Donc, il y a vraiment de la place pour tout le monde. C'est possible de soutenir de différentes façons et on a besoin de gens en plus de nous. Quoi. Et je voulais juste rajouter, parce qu'en fait, j'ai insisté sur lieu d'écoute, mais pas d'orientation. Alors, en fait, on a fait effectivement 2 ans de mise en réseau. On a rencontré des associations, des médecins, les centres d'orthogénie, etc., dans le coin. Donc, en fait, on est capable d'orienter. Voilà, s'il y a des personnes qui viennent, on est capable de leur dire où aller voir des médecins, où se trouve le centre d'orthogénie plus proche, les pharmaciens, etc., etc., les associations sur des thématiques spécifiques, les violences conjugales, le sida, etc. Voilà, donc on est capable d'orienter et ça fait aussi partie de notre travail.